Fond du rendement, qui sait, et qui sait de l'influence du changement. Dans l'esprit, on est c'est toujours les mêmes qui parlent. Les mêmes qui parlent, toujours les mêmes qui flattent pour mieux diviser. Tous les jours je mange des pâtes, je prends des claques. Tous les jours je sais qu'ils squattent le journal télévisé. Et c'est toujours les mêmes, toujours les mêmes. Pour le coup j'aurais pu dire de foutre la merde. Mais c'est hors de question, ils voudraient qu'on perde. Mais même en hyperventilation, moi je me rappelle quand même. Mais faut que je fasse une pause, car moi aussi des détours partiels. Et quand je lâche une prose, c'est de l'amour que je parcelle. Ma vie n'est pas toute rose, elle traîne plutôt du côté pastel. Du mot rap c'est du blues, un peu comme tu ça une cassette. Du mot rap c'est du blues, mon rap c'est du blues, un peu comme tu ça une cassette. Qui réveille du pain, du pain, du zouk, du son qui détend. Appuie sur play et décolle aussitôt. Et bouge la tête comme me fait le point sur un océan de base. En haut et de haut, tout bas. Et tu t'en bats les couilles. Quand le son est là, tu t'en bats les couilles. La leçon est là, tu m'en marres. Comment veux-tu pouvoir prêter ta thune sans marre? Comment inspirer la joie, esquiver la loi? Comment frapper, comment lutter, comment ça va toi? D'ailleurs tu deviens quoi, mais me sors pas de mytho. Genre vente de coca, c'est jour prolongé au comico. Car tu sais quoi, tu n'as que l'odeur du psycho. Donc baisse le bras et va plutôt laver tes chicots. Tu n'es qu'un bigo, tu penses me dominer. Va ton jeu au domino avec tes cheveux gommés. Tu n'es qu'un minot, chichi et moi gros minet. Combien minot, elle joue pour un oiseau petiné. J'ai pas terminé, juste ouvert le robinet. Je check le micro et je suis large pour te piner. Bande dessinée, je pèse les mots, on traise les faux. Donc prépare-toi à halluciner. Tu fais ce dégo, non, c'est du ciné. Tu check des gros et la ferme avec ta dulcinée. Tu testes mes bros, non mec c'est faux, je te pète les os. Prends le numéro perso du kiné, parce que je vais t'exterminer. Te faire du mal, te ruiner, te brancher de 220 volts que tu vas t'illuminer. Pour dominer, faut saigner les flots, se lécher les crocs. Je fais le déchaud, moi je suis calciné. We'll be right back. avec mon postcard. Colorir la ville, baiser les murs sans podcast. Pas de pause, là, 4h du mat, opérationnel, et je me pose là, lâchant mes textes dans les ruelles. Ou à la maison, en chaussons, même dans la galerie. C'est ça qui est bon, moi, quand le son lyrique, je suis un lion dans la savane et pas dans un zoo. En poussant dans l'eau, un requin, je suis marteau. Tout est le coup, pas celui du spectacle, désolé, je passe en bazar. Tommy, t'as vu comment t'aimer, moi j'écris des phrases à flûter comme des sabres japonais. Depuis le temps, au Joe Legender, et des japonais et des lignes, j'ai ton plan. Il faut que t'es qu'un peu de temps, t'as pas envie de se manger du poisson pané. minute.